Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Sylvia Montfort, c'est la tragédienne par excellence. L'une des comédiennes dont le nom se confond avec plus de 40 ans de l'histoire du théâtre de la France d'après-guerre. Il y eut bien sûr le cinéma, avec des films notables, comme Les Anges du Péché de Bresson, L'Aigle à deux têtes de Cocteau et La Pointe courte de Varda. L'écriture également, avec plusieurs romans. Mais c'est bien sur la scène théâtrale, où elle joua à peu près tous les classiques et bon nombre des modernes, que s'est écrite son histoire. Le TNP, la décentralisation, l'aventure des Tréteaux de France avec Jean Danet, les grands textes, les grands auteurs, Sophocle, Échille, Shakespeare, Hugo, Racine, Corneille, les grands rôles, Phèdre, Chimène, aux côtés de Gérard Philippe dans Le Cid, une vie de comédienne, une vie de théâtre qui se prolongeait souvent à la télévision, avec la même ambition de faire partager les grands textes du répertoire au plus grand nombre. Il y eut aussi son théâtre, le Carré Torigny, Carré Sylvia Montfort, qui, au fil de ses multiples déménagements, finit par devenir le Montfort Théâtre, inauguré un an après que la maladie ait eu raison en 1991 d'une énergie qui paraissait à tous inépuisable. On se souviendra également qu'avant tout cela, Sylvia Montfort avait été une intrépide jeune fille de 20 ans qui, aux côtés d'un jeune homme qu'elle aimait, Maurice Clavel, participa activement au combat de la résistance en Eure-et-Loire. Pour cela, elle avait reçu la Croix de guerre et la Bronze Star Medal américaine. En 1971, elle était sur France Culture, disant ce que lui évoquaient les mots-clés que lui soumettait Pierre Lost. Je vous remercie, Sylvia Montfort, puisque vous voulez bien jouer avec nous. Je vais, comme à l'habitude, je vais vous proposer un certain nombre de noms, de mots, placés dans un désordre savant, et je vous demanderai ce que chacun d'eux évoque immédiatement pour vous. L'enfance. Un tunnel noir, un tunnel désespéré, un tunnel sans issue. J'en suis sorti. Mais un tunnel épouvantable. Vous savez, étant orpheline de mère, dès ma naissance, j'ai été mis dans des internats, et mon enfance est une espèce de bloc rocheux, avec l'aridité de la roche, avec le désespoir de la roche en plus. Que je ne me souviens pas d'un tracé d'ongle sur cette roche. C'est informe comme une matière molle, ma propre existence, au milieu de ce tunnel. Je suis perpétuellement dans l'impossibilité même de me rappeler que j'ai eu des camarades d'enfance, et très souvent j'en croise d'ailleurs, qui, je ne sais pourquoi, sans doute, l'absence de personne que j'étais pendant cette enfance devait être frappante, car elles se souviennent très précisément, même dans les petites classes. Et quand je vois les visages de ces personnes, ça ne me dit rien, rien, ça me rapporte cette espèce de matière molle que j'étais, et cette dureté environnante. C'est pour moi, le mot d'enfant, c'est sans doute pour ça que je n'ai jamais eu d'enfant et que je n'ai aucun goût pour les jeunes enfants, que je n'en vois que ce qui est agaçant, ce qui est, sauf quelques-uns, c'est comme les adultes, il y a quelques enfants dont on fait des amis immédiatement. Mais l'enfant en général, l'enfant qui attendrit tout le monde, que ce soit l'enfant d'animal ou l'enfant de grande personne, c'est une chose qui touche, qui amuse, qui, pour moi, c'est, je recule de deux pas. L'écriture. C'est la joie. La joie, il m'arrive, pendant les périodes où je ne travaille pas, il m'arrive de me mettre à ma table, où je n'ai même pas une lettre à écrire. Certains jours, on n'a pas envie d'écrire des lettres, pour écrire. C'est la joie. C'est la joie et c'est la grande page blanche pour moi, l'écriture. Car d'ailleurs, même quand j'écris, si un mot n'est plus celui que je voudrais, je déchire complètement et je recommence. C'est la grande page blanche, l'écriture. C'est recommencer tout le temps sur une chose neuve, une chose intègre. Jean Cocteau. Alors Jean Cocteau sont mes débuts au théâtre, alors c'est toute une époque. C'est d'abord, Jean Cocteau, je ne peux pas le voir autrement que dans Le Velours Rouge et l'Or, parce que j'avais été convoqué par lui pour jouer le second rôle féminin auprès d'Edwige Feuillère dans L'Éclat de tête, et je suis arrivé sur la scène du Théâtre Héberto, qui venait d'être refait, précisément, avec des velours d'un rouge immaculé, des ors brillants, somptueux, théâtraux. Et c'est sur cette scène, dans ce contexte, qu'il m'a reçu. Alors, Cocteau, c'est d'abord l'or et le rouge. Et puis, ce sont ses mains. Jean Cocteau, on a beaucoup vécu ensemble, parce que quand on crée une pièce, on a été la créer en Belgique, et puis on l'a joué plus d'un an à Paris, puis on a tourné le film juste après, dans toutes sortes d'extérieurs, dans la montagne. Montagne, il ne m'évoque pas du tout. Alors, la montagne ne m'évoque pas du tout Jean Cocteau, et Jean Cocteau ne m'évoque pas la montagne. Mais... en revanche, ses mains montrant une neige qui ne cessait pas de tomber derrière un carreau et devant les producteurs assez irrités par cette neige qui leur coûtait très cher. Ils disaient, tu n'as pas envie de commencer un roman, parce que je venais d'écrire le premier parallèlement à cette création. Et il montrait cette neige de sa main, cette extraordinaire main qui bougeait tout le temps, mais qu'on avait l'impression de voir pourtant immobile. C'était le mouvement avec une forme, une allure, si vous voulez, inchangée. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas désignant un objet, on ne la voit pas prenant quelque chose. On voit cette main légèrement tendue, quelques doigts tendus, et puis cette main sèche, cette très jolie main, désincarnée, complètement désincarnée. Et on la voit dans un mouvement qui est fixe. C'est très étrange, enfin je la revois ainsi. Et donc il désignait la neige à travers un carreau et disait, commencera ton prochain roman, tu devrais commencer par « Il neige, ironisa-t-il ». Ça a été très mal vu des producteurs. La sculpture, mon père était sculpteur. Et malheureusement, je dois dire que la sculpture m'évoque d'abord une chose assez conformiste, parce que mon père faisait partie des... Oh là, je vais beaucoup me compromettre, et compromettre beaucoup d'appréciation, parce que mon père était aux artistes français, et il avait pour amis Bouchard, Landowski... Et pour moi, la sculpture est une chose un peu morte, un peu figée, qui ne me touchait pas d'ailleurs. Et puis un jour, quand j'avais 16 ans, j'ai découvert le musée de Rodin, j'y suis entré, je me suis dit que la sculpture, c'était une chose vivante. Ensuite, je ne vous parlerai pas, bien entendu, du plus grand de tous à mes yeux, qui est Giacometti, parce que la sculpture est tellement un art mort pour moi de... tous les bustes qu'on fait des artistes français de moi qui sont un peu partout et qui ne m'ont jamais représenté. Enfin, à mes yeux, je ne m'y suis jamais retrouvé vraiment, ni pendant qu'on les faisait, ni maintenant, si j'en revois des photographies ou si je les revois eux-mêmes, à tel point que je ne peux pas penser sculpture quand je pense Giacometti. Le mot sculpture est devenu une chose qui n'a plus rien à voir avec l'art vivant, avec le génie créateur. L'amble. Oh, l'amble, c'est un piège. Mon dernier roman... s'appelle L'Amble. Eh bien, L'Amble ne m'évoque quand même pas mon dernier roman. Il m'évoque une phrase d'un poème d'Aragon qui a été chanté par Jean Ferrat depuis, que j'avais complètement oublié quand j'ai appelé mon roman L'Amble, et qui m'est revenu par la suite, et qui est une phrase merveilleuse de l'amour ensemble, et je pense que c'est pour ça qu'Aragon, le poète, tel Victor Hugo, a pris L'Amble, parce que ça rimait avec ensemble, mais lui aussi a vu cette image de deux êtres qui se promènent en s'aimant. Le Cid. Le Cid, c'est Gérard Philipe, puisque j'ai joué Chimène auprès de lui longtemps et à travers le monde en plus. Le Cid, oui, ça n'est vraiment que Gérard Philipe, malgré tout le contexte, malgré les pays qu'on a traversés, malgré... Le Cid devrait me ramener de la Grèce au Canada à 1000 visions, mais il est certain que ça me ramène d'abord le costume de Gérard, le visage de Gérard, l'attitude de Gérard. Le regard en scène de Gérard, son attente en coulisses, son extraordinaire attente en coulisses, car c'est le seul acteur, peut-être il y a chez tous les acteurs un goût de la concentration, même s'ils ne sont pas faits pour se concentrer, mais tous quand même souhaitent faire venir cette concentration, parce qu'il est dans l'habitude de penser qu'un acteur doit se concentrer, parce que ça peut quand même apporter à l'acteur, même contre son tempérament, de se concentrer. Or, Gérard n'avait aucune application à la concentration. C'était extraordinaire. Il marchait derrière les portants, la mine au vent, une mine très, très fanfan la tulipe, la mine qu'on lui connaît, et on aurait pu penser qu'il se promenait comme ça en attendant son entrée. Mais, si quelqu'un osait lui adresser la parole avec toutes les plaisanteries des acteurs quand ils sortent de scène et qu'eux sont libérés, ou un machiniste qui n'a que faire de l'inspiration d'un jeune premier... Si on le touchait, on avait l'impression ou qu'il allait se briser en deux ou qu'il allait vous tuer. Et c'est une impression aussi impalpable, aussi presque invisible que son inspiration. mais il était vraiment dans l'état total d'inspiration. Et je crois que le mot lucide me représente d'abord Gérard dans cet état attendant son entrée en scène. L'arbre. L'arbre. Depuis quelque temps, ça m'évoque votre petit livre d'or où vous faites faire des arbres à tout le monde. Je ne peux même plus maintenant contempler une forêt. Et je viens de traverser une forêt là près de Nancy. Je ne peux plus voir un arbre maintenant sans penser à votre petit livre d'or où vous faites dessiner à tout le monde des arbres. Alors pour le moment, ma vision de l'arbre est faussée. On en reparlera dans quelques années. L'amour. À l'amour, la source absolue de vie. Que ce soit le... Ça ne m'évoque pas du tout... Et j'aime beaucoup le sexe opposé. Eh bien, ça ne m'évoque pas particulièrement un être, même pas l'être que j'aime absolument. L'amour m'évoque la source d'énergie, le moteur de l'existence. Parce que j'ai envie autant de dire que je l'aime à une pièce que je viens de trouver qu'à un metteur en scène avec qui je travaille. D'ailleurs, c'est très dangereux parce que j'emploie le mot que j'aime ou je vous aime dans des sens tellement amples qu'il y a toujours le risque de... d'être mal comprise. La justice. La justice, c'est un coin très réservé parce que on est comme tous éduqués dans des idées de justice un peu figées. Je vous parlais tout à l'heure d'un art un peu figé et il est certain que la justice, on pense Caillat, on pense les prétoires, on pense la justice rendue, on pense la guillotine, on pense la prison, on pense le... Et le mot de justice me gêne parce que il m'apporte, quand vous venez de le prononcer, là, à l'instant, il m'a apporté justement un poids énorme de choses sur la tête, alors que pour moi, c'est la justice non écrite pour moi. Tout le temps, mais à toutes les minutes, à propos de choses qui me plaisent ou me déplaisent, j'emploie très souvent le mot « c'est pas juste » ou « c'est injuste », parce que la justice, je crois en Dieu le Père, c'est-à-dire que j'ai besoin de tout le temps qu'il y ait un Dieu le Père pour dire ce que tu as fait là est bien, ce que tu as fait là est pas bien. Ça n'existe pas, Dieu le Père, il faut s'y résigner. Ni quand on écrit un livre, ni quand on crée une pièce, ni quand on a un comportement avec ses prochains, jamais il n'y a un Dieu le Père qui vous dit, eh ben c'est bien, tu as bien fait ça et nous sommes contents de toi. La justice, ce serait s'il y avait un Dieu le Père comme ça. Victor Hugo. Victor Hugo, c'est... c'est une barbe, mais une barbe, c'est-à-dire que je vois d'abord son visage. Pourquoi ? J'ai pas vu plus de reproductions ou de photographies de Victor Hugo que de tant d'autres, et surtout de tous nos contemporains dont on voit sans arrêt les visages dans les journaux. Eh bien, c'est pourtant un auteur dont d'abord le visage me vient. C'est vraiment, et puis la grande barbe blanche, enfin, la barbe de Guernesey, la vraie barbe. Mais alors, c'est aussi très vivant, c'est aussi tout d'abord, juste quand son visage s'efface, quand il commence à s'effacer pour laisser autre chose, c'est bien sûr Les Misérables que j'ai tourné, qui est le seul personnage au cinéma. J'ai tourné Éponine, dont Barjavel et le chanois qui avaient fait le scénario en plus. Ils avaient revêtu Éponine de toutes les vertus qu'on aime en Gavroche. Gavroche était un peu plus effacé. Ils avaient eu l'idée de faire de ce personnage d'Éponine un personnage contemporain. C'est-à-dire que Cosette et Fantine sont des personnages qui datent du 19e siècle. On ne peut pas les en sortir. Alors ils ont eu l'idée pour cette Éponine, qui est la fille de Thénardier, qui meurt d'amour sur les barricades pour Marius, donc l'amour malheureux, et qui est la sœur de Gavroche. Ils ont eu l'idée de lui mettre toutes les vertus de Gavroche, plus les grandes vertus amoureuses qu'elle a. Et c'était un personnage que demain j'accepterais de rejouer au théâtre. Il y a des pièces qu'on a envie de reprendre au cinéma. C'est terminé, c'est fait, c'est figé. Eh bien là, j'aimerais rejouer Éponine comme j'ai envie de rejouer Electre. Donc c'est Les Misérables, bien sûr, et puis c'est toute son œuvre. Enfin, très souvent, je descends un livre de la bibliothèque pour relire un peu d'Hugo. Ça ne m'évoque pas grand-chose. Je n'ai pas l'argent, je n'aime pas l'argent, je ne sais pas ce que je ferais de l'argent si j'en avais beaucoup. Je me suis quand même posé la question quelques fois, vous voyez, puisque je peux vous répondre. C'est-à-dire que je n'ai à peu près envie de rien de ce qu'apporte l'argent. Dans les loisirs, puisque c'est pour les loisirs généralement qu'on a besoin d'argent, je n'aime que la montagne. Alors évidemment, vous me direz que le sport de montagne coûte aussi, mais le fait que j'ai quelque chose à Chamonix où je peux aller faire de l'escalade fait qu'il n'y a plus de notion d'argent pour moi. Le fait que je suis reçu partout et très bien là où on peut faire du ski, il n'y a pas non plus de notion d'argent. Ni la neige, ni le soleil d'été de montagne ne m'évoquent l'argent. Et ce sont les seuls loisirs qui me plaisent. Donc j'ai pas envie de yacht, je n'ai absolument pas envie de voiture de sport et de moins en moins de voiture tout court d'ailleurs, parce que maintenant je prends le train, les bons trains, la bonne SNCF et puis les avions quand ça va plus vite. Donc je ne vois pas ce que je pourrais avoir avec de l'argent. Je crois que c'est pour ça que le mot ne me dit rien. Si, quand même, il y a le côté... Ah si, l'argent, c'est quand même de temps en temps le mot argent, parce que j'essaye de cerner ce mot argent que vous avez lancé pour ne pas vous dire ça ne m'évoque rien dans une société où tout se paie, où tout s'achète. Donc ça doit forcément m'évoquer quelque chose. Eh bien, ça m'évoque le jouet merveilleux en récompense de mon travail. C'est-à-dire quand on me dit vous toucherez tant pour faire un enregistrement, pour aller jouer une pièce à Carthage, ou enfin, quelle la joie pure qu'on paierait quand on a envie de jouer une belle pièce et qu'on vous propose des grands lieux, on paierait pour y aller. Eh bien, le fait qu'on me dise vous toucherez tant, c'est un grand jouet. Cette somme d'argent devient un grand jouet qu'on me donne en plus de ma joie. Voilà ce que m'évoque l'argent si je prononce le mot. Mais je ne me vois même pas parler d'argent, d'ailleurs. Je réfléchis beaucoup, parce que je voudrais tellement vous répondre honnêtement sur ce mot qui est une source de vie, justement, pour tant de gens, que je voudrais essayer de ne vous rien cacher sur mes relations avec l'argent, les mettre au grand jour, là, devant vous. Ben, je ne vois pas ce qu'elles arrivent à m'évoquer. Elles m'évoquent... Si, le mot argent m'évoque aussi certaines monnaies. Vous savez, ces merveilleux pennés, par exemple. Il y avait des boîtes extraordinaires, on jouait avec des pennés dedans. Ça se déclenchait ou ça se déclenchait pas si on mettait... Mais je crois que les pennés ont quitté la circulation. Vous voyez, je n'ai pas de chance. La solitude, c'est un mot qui m'est agréable parce que je suis une solitaire. Et comme les solitaires, il y a des moments où j'ai très, très besoin de mes prochains, bien sûr. Mais la solitude, c'est un mot très doux. C'est un mot, d'ailleurs, parce que je connais si bien la solitude, je m'accommode si bien avec elle, je triche si bien avec elle, j'en jouis si bien que la solitude n'est qu'un mot qui résume trop de choses pour que le mot solitude m'évoque grand-chose. Mais c'est un mot comme campagne, comme vous savez, ces mots qui ont perdu leur sens d'en avoir acquis de trop précis pour soi-même. La raya. Oh, si je vous disais tout sur ce que m'évoque ce mot, est-ce que je peux tout vous dire ? Dites tout. Eh bien, ça m'évoque une gigantesque imposture. Mais comme je compromets beaucoup de gens, est-ce que je peux quand même le raconter ? Allez, racontez. Eh bien, alors, je vais tout vous raconter. La raya que vous avez lue, je pense, sur une des couvertures de mes derniers livres, parce qu'il y a un livre de moi qui s'appelle La raya, en effet. Et ça n'est pas un livre. Il y a un livre de moi qu'on vend, qu'on achète sous le titre de La Raya, et ce n'est pas un livre. Car Julliard, qui avait publié mes premiers livres, avait publié juste, enfin le dernier avant sa mort, était Les mains pleines de doigts, qui était le livre d'ailleurs qu'il avait préféré. Vous savez, il y a chez les éditeurs plus ou moins de goût pour les livres des auteurs qu'il publie. Et c'était vraiment un livre auquel il avait été très sensible, au point qu'il y a à un moment dans la vie de la jeune héroïne, une belle italienne, merveilleuse, brune, avec des yeux très clairs, un personnage qui lui avait beaucoup touché. Il voulait absolument que je supprime un moment où elle se laissait aller avec un bûcheron par des compensations très graves pour elle. Et je revois René Julliard me dire, je vous en supplie, pour la postérité, Sylvia, enlever cette aventure. Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apportait beaucoup à mes yeux. Et vraiment, je n'ai pas vu un éditeur. Et d'ailleurs, il ne m'a pas forcé, car il laissait la liberté totale aux auteurs. C'était un chef, avec toute la grandeur que représente un chef et toute la magnanimité vis-à-vis de ses auteurs. Et c'était un amant blessé. Quand il me demandait d'ôter cette aventure, c'était vraiment le mari trompé qui dit « Ah non, c'est pas possible, ça n'a pas eu lieu ». Bref, il aimait tendrement ce livre. Et puis, il est mort. Et d'ailleurs, sa mort a fait que je n'ai pas... C'est le plus grand temps de silence... Est-ce qu'il y a... Je me suis souvent posé la question de savoir si la mort de Julliard avait causé chez moi cette absence d'écriture pendant quelques années. Mais enfin, 4 ou 5 ans après, j'écris donc Les Indes Rouges, et c'est Christian Bourgois, et c'est là que je commence alors à dévoiler l'imposture, c'est Christian Bourgois qui, devenu éditeur de la maison Julliard, publie Les Indes Rouges. Et puis, comme Les Indes Rouges avait un bon succès de librairie, pour des signatures, les libraires, les représentants demandent à Bourgois de rééditer un de mes livres. Et Christian Bourgois se dit dans l'impossibilité de réimprimer Les mains pleines de doigts à cause du titre, me disant ça m'évoque la thalidomide, je ne peux pas, quand je vois ce titre, je suis malade, je ne peux pas, et j'ai cru que c'était une plaisanterie. Et puis pas du tout, le livre n'était pas réimprimé. Alors, au bout de 3 mois, quand même inquiétant parce que les signatures approchaient au cours de grandes tournées, je vais le voir, je me demande s'il était vraiment très sérieux, il me dit qu'il est absolument sérieux, qu'il ne peut pas, et qu'il me demande de trouver un autre titre pour ce livre. Alors je lui fais une proposition, je lui dis si en le relisant je trouve que je peux en faire une version plus serrée, plus rapide, enfin si vraiment c'est une autre version, à la rigueur, c'est, j'étais vraiment l'auteur avec le couteau sous la gorge. Je le relis, je trouve qu'il y a énormément de choses à changer, à couper, enfin beaucoup, oui pas mal. Je fais ce travail et je prends dans le livre, parce que j'étais dans l'impossibilité, en plus moi j'aime beaucoup ce titre qui définit les velléitaires, c'est qu'ils ne peuvent pas refermer tous les doigts sur la main, donc ils ne peuvent rien saisir en vérité. J'aimais beaucoup l'image, elle correspondait à mon héros, et j'ai pris le nom d'un petit torrent qui est très important dans cette montagne niçoise, et surtout pour le personnage principal qui attache beaucoup de rêves autour de cette raya. Mais alors, où s'achève l'imposture, c'est pendant ces signatures où certaines personnes me demandaient « Dois-je acheter les ânes rouges ou la raya ? J'ai tellement aimé vos mains pleines de doigts. » Et alors là, j'avais vraiment toute l'angoisse que vous pouvez imaginer, leur déconseillant vivement la raya. Et maintenant, il n'y aura plus l'imposture, car Julien, qui est devenu mon nouvel éditeur chez Julliard, vous saurez tout de la maison Julliard à la fin de cette émission, Julien va réimprimer le même livre sous le titre « Les mains pleines de doigts ». Raymond Poulidor. C'est du cyclisme, non ? C'est tout, je sais que c'est un cycliste. Jules Supervielle. Ah, c'est le poète. Pour moi, il m'introduit immédiatement l'idée de poésie plus qu'aucun autre. Et j'en ai encore eu. D'abord, je l'ai connu, j'ai créé au second festival d'Avignon sa Scheherazade, qu'il avait commencé pour Madeleine Ozeray en Amérique du Sud. Et puis Madeleine Ozeray est partie avec un chef d'orchestre et je vais donc renoncer à Madeleine Ozeray et à cette Scheherazade. Et quand Supervielle est venu au premier festival d'Avignon, il a subi la magie déjà de cette nuit dans le petit jardin d'Urbain où nous jouions à cette époque, et on y jouait Toby et Sarah. Et l'envie lui est venue de terminer cette pièce pour moi, et Villard a accueilli ce projet avec beaucoup de sympathie, et on l'a joué l'année suivante dans le jardin d'Urbain. Et je revois Supervielle aux répétitions, nous répétions, vous savez, Villard n'avait pas tellement de commodité, il n'y a toujours pas de salle pour répéter à Paris, mais enfin il n'y en avait déjà pas. Et on répétait dans le foyer du théâtre Édouard VII. Pourquoi ? Enfin, c'était ainsi, on répétait dans ce foyer très, très inconfortable pour des répétitions, et qui avait une espèce de balcon qui amène aux loges, où nous répétions très souvent. Et je vois Supervielle gravissant les quelques marches de ce petit balcon, les bras tendus, avant même de dire son texte, il tendait les deux bras en avant, il faisait surgir sa poésie dans des grands mouvements, des mains qui partaient très, très loin de lui. Il avait été très grand, il avait d'immenses bras. Et maintenant, je vois toujours la poésie de Supervielle. Quand j'en redis, et il m'arrive souvent de choisir un poème de Supervielle, non seulement j'ai sa gesticulation, mais ça pousse son rythme et son vers à avoir l'ampleur naturelle que lui donnaient ses grands bras. De ma vie, je ne pourrais dire du Supervielle de façon étriquée à cause de cette gesticulation extraordinaire. Et je crois que quand vous me dites Supervielle, je le vois dans ce mouvement. L'humour. Ah, l'humour, l'humour pour moi, c'est équivalent du mot indispensable. La mode. La mode, ça me dit pas grand-chose. Enfin, bien sûr, ça fait partie de tout le temps. C'est ce qui fait tout le temps bouger tout. Mais la mode m'évoque une petite phrase de Cocteau, se plaignant que telle ou telle femme l'interroge sur son élégance, et il disait « La mode, c'est l'élégance des femmes qui seront élégantes, quelle que soit la mode. » La mémoire. Oh, la mémoire, c'est pas un mot qui m'est très agréable, parce que j'ai beaucoup de difficultés avec la mémoire. C'est un mot que je vous demande de retirer très vite, parce que c'est un problème constant. Le trac d'une générale, par exemple, m'est complètement amorti par cet autre trac de la mémoire. De toute façon, je ne me tais pas, mais pour les partenaires, c'est très gênant. Beaumarchais. Beaumarchais, ça m'évoque le mariage de Figaro, bien sûr. Plus précisément, mais quand vous me demandez ce que ça évoque, c'est la première chose, c'est cela qu'il faut dire. Exactement. Voilà, et bien la première chose, bien entendu, c'est le mariage de Figaro qu'on a joué avec Villard, qu'on a créé à Avignon, puis qu'on a repris. Et ça m'évoque, alors c'est un petit peu égoïste, la joie que m'apporte Beaumarchais, parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai fait rire. J'ai joué la comtesse, vous me direz que ça n'est pas un personnage hautement comique, mais j'avais, pour faire rire les camarades, pour faire rire surtout Ça tient de l'anecdote, vous voyez ce que je vais vous dire sur Beaumarchais, parce que j'étais très lié avec Philippe Noiret, qui était un comédien du TNP aussi à l'époque, qui devait jouer Bartolo. Je ne sais plus bien quel rôle il jouait, mais enfin il jouait, donc il était à toutes les répétitions. Et un jour, au moment où le comte force la porte du cabinet secret de la comtesse, espérant y trouver ce chérubin qui est sauté par la fenêtre, et qu'il revient en disant « il n'y a personne », la comtesse est la première surprise, bien entendu. Et j'avais, au cours d'une répétition, pour faire rire Noiret qui était dans la salle, inventé une espèce de petit rire comme ça. Et puis Villard qui savait prendre, qui savait saisir, qui savait tout recevoir sans en avoir l'air. Villard, le lendemain, m'a dit « pourquoi tu ne ris pas aujourd'hui ?» Je dis « mais parce que je ne sais pas, hier j'ai fait ça. » Et il m'a obligé à réinventer tous les jours ce petit rire. Et puis, il y avait bien d'autres soucis dans le personnage, vous vous en doutez. Et arrive la première à Avignon. Et l'automatisme, Villard m'ayant forcé à avoir ce petit rire, même quand on répétait rapidement, même, bien entendu, devant ces 3200 personnes, j'ai eu ce petit rire. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu 3200 personnes rire. Ce qui ne m'était jamais arrivé. Je n'avais jamais joué que la tragédie ou des pièces qui au moins imposent le silence quand elles sont écoutées bien. Mais jamais ma personne m'exprimant, jamais, ou faisant un jeu de physionomie, je n'avais pas encore eu la joie de faire rire. Et c'est extraordinaire, car dès ce jour-là, j'ai compris les pires comiques, ceux qui chargent. Car si un soir, il n'y avait que 3100 personnes qui riaient, je recommençais le petit rire jusqu'à ce que les 100 dernières rient. La colère, ça ne m'évoque pas grand-chose. Lady Godiva. Ah bon, Lady Godiva. Quel enchaînement, car c'est la seconde fois de ma vie que j'ai fait rire, mais alors délibérément et d'un bout à l'autre. Oui, c'est... Lady Godiva, ce n'est pas à moi que ça évoque quelque chose. Mais je vais quand même vous dire que grâce à ce que ça évoque chez le spectateur, ça a été pour moi très instructif. Parce que Lady Godiva est, comme vous savez, cette noble dame du 11e siècle ou du 12e siècle. Ma mémoire qui me fait défaut. Enfin, c'est une noble dame anglaise de Coventry qui, pour sauver son peuple des impôts, a relevé le défi que son soudard de mari lui a lancé, c'est-à-dire de traverser nu et à cheval, seulement vêtu de ses cheveux, la ville de Coventry. Alors, toutes les portes, toutes les fenêtres étaient fermées, et puis il y a eu Peppington, le fameux voyeur, qui a regardé. Bien entendu, dans l'histoire de cette dame, ce que tout le monde a retenu, c'est cette course nu et à cheval. Or, je jouais donc cette pièce de Jean Canol, et à la fin du premier acte, après le défi que me lançait le comte Léofric, je venais vêtu d'une énorme cape, sous laquelle on me supposait nu, sous laquelle d'ailleurs je ne devais pas être très habillé, puisque j'avais un changement de costume, ça favorisait ce changement, et je quittais la scène de dos, en laissant glisser légèrement cette cape vers ma bonne cité de Coventry, et je pense que mon manteau devait descendre à la hauteur des omoplates et à la taille peut-être lorsque le rideau tardait à baisser. Donc on voyait mon dos alors qu'il y a des pièces, même des pièces avec des costumes Louis XV où la poitrine des femmes est beaucoup plus visible, enfin où il y a une impression de nudité beaucoup plus forte. Voilà exactement la nudité que je montrais en scène dans les Lady Godiva. Or, depuis que j'ai joué cette pièce, chaque fois qu'un spectateur me parle de Lady Godiva, c'est avec des clins d'œil malins, c'est avec des allusions sur mon physique, c'est avec... Et ce qui me prouve vraiment que le théâtre est un art d'imagination absolue, puisque c'est la pièce certainement où j'étais le moins dénudé, car le reste du temps j'avais des costumes qui me voilaient même la moitié de la figure. Vous savez, ces merveilleuses manières de s'entourer le cou, les joues, de ne laisser passer que le nez et la bouche qu'avaient les dames de cette époque. Or, il est certain que ça provoque des rires malins ou des allusions fines chez tous les spectateurs de Lady Godiva. Le bonheur. Le bonheur, oh, comme un mot dont j'ai tant parlé, dont on a tant parlé, donc ça s'est un petit peu vidé de sens. Vous savez, notre génération, qui a vécu beaucoup sous la coupe littéraire de Monterland, Nous lisions tous à 15 ans Monterland, c'était notre livre de chevet. Alors on a tellement discuté justement à cause de Monterland que qu'est-ce que ça voulait dire le bonheur, il fallait pas être heureux. Et puis en fait toutes ces philosophies d'adolescence que ça s'est un petit peu vidé. Enfin, c'est un mot que je n'emploie plus justement, alors que je tiens beaucoup à être heureuse, mais je n'emploie pas le mot bonheur. Vous m'auriez dit heureux, peut-être que je vous aurais dit beaucoup de choses. Maintenant c'est fini, il est mouillé, vous ne pouvez plus, c'est un pétard dont vous pouvez plus vous servir. Mais ça m'aurait peut-être fait voir des choses. Le bonheur, non, c'est un mot vidé. Paul Claudel. Ah, Paul Claudel, vous me faites voir mon avenir en m'évoquant Paul Claudel. Mon passé aussi, puisqu'au premier festival d'Avignon, nous avons justement joué Toby et Sarah. Mais mon avenir, c'est une création mondiale de Claudel. C'est-à-dire, c'est une œuvre de Claudel dialoguée qui n'a jamais été représentée, qui s'appelle « Les conversations dans le Loir-et-Cher ». Alors, c'est ma préoccupation constante. Claudel, en ce moment, c'est mon souci parce que je n'ai pas joint tel acteur à qui je voulais demander de le lire pour voir si ça l'intéresserait. C'est mon souci permanent en ce moment. Ça n'est même pas son œuvre ou une œuvre. C'est mon souci actuel, Paul Claudel. Mais c'est aussi, alors, toujours, hein, indépendamment de cet état actuel, ce sont des livres de chevet. C'est vraiment tout le temps. La prose de Claudel m'est très chère. J'ai tout le temps envie de relire ou un de ses articles, ou un de ses discours quand il arrivait dans un pays. Si je vais en Belgique, je refeuillette ce qu'il écrivait quand il parlait aux Belges. C'est vraiment une prose qui, pour moi, justement, elle aura le génie de trouver toujours le mot juste, à part le souffle, l'extraordinaire souffle de sa moindre pensée, de sa moindre parenthèse, qu'il parle de la motocyclette ou de l'aviation. Mais c'est toujours aussi toujours le mot dont on dit « Mais pourquoi moi, je ne l'aurais pas trouvé ?» tant il paraît charnellement évident. Le feu. Ce que ça m'évoque tout de suite, alors. Ça m'évoque la fumée tout de suite, parce que dans cette pucelle d'Audi Berti, que je suis jointe, comme on dirait dans une mauvaise traduction anglaise, et bien cette pucelle que je suis jointe, il y a bien entendu, elle apparaît ressuscitée derrière les flammes à un moment, mais les flammes, c'est une toile peinte, et on met de la fumée. Et c'est l'asphyxie tous les soirs, pour moi, pas pour les spectateurs, mais pour moi, c'est le feu m'évoque fumée sur le champ, et c'est pas une bonne évocation. La jalousie. Je devrais dire la jalousie connaît pas, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, non. La jalousie, c'est quelque chose que je voudrais chasser, justement. C'est un mot que j'aimerais ne pas employer parce que c'est pas très positif, la jalousie. Mais enfin, on peut pas dire, il y a quand même des séquelles qui demeurent. La vérité. Alors, la vérité, pour moi, c'est un mot-clé. Alors vraiment, je crois que vous êtes sur les mots-clés. Eh bien, c'est le mot-clé des mots-clés, la vérité. J'aime la vérité. Même lorsqu'elle n'est pas bonne à dire, même lorsqu'elle n'est pas bonne à entendre, j'aime la vérité parce que je trouve dans la vérité des joies que je ne trouve jamais dans des à peu près, même modifiées pour mon agrément par d'autres ou pour l'agrément des autres par moi. Ça ne me donne jamais la joie que me donne la vérité. Mais là il faudrait que nous puissions en parler trois quarts d'heure. Quand vous traiterez de la vérité sur les ondes, alors venez me voir, j'aimerais en parler longtemps. La nuit. La nuit, ça n'évoque rien de plus que le jour. Pour moi, c'est très continu, il n'y a pas de scission. Le champagne. J'ai horreur de ça. Horreur. Autant que de l'eau Perrier. L'angoisse. L'angoisse, ça m'évoque des angoisses. Je ne sais pas ce que c'est l'angoisse. Je veux pas penser à la... Je ne suis pas du tout orienté vers la psychanalyse. Dès qu'on parle angoisse, on entre chez les psychanalystes pour les motifs de l'angoisse, les traitements contre l'angoisse. Je n'ai pas d'angoisse, je ne suis pas une personne angoissée, je traverse des moments d'angoisse comme tout le monde, mais des petits moments, des petites... C'est plutôt des angoisses que l'angoisse, le mot pour moi. Il est au pluriel chez moi. La musique. La musique, c'est pour moi à la fois une joie totale et un immense regret. Mais alors il marche l'amble. Ces deux choses chez moi marchent l'amble parce que d'une part je ne suis pas musicienne, c'est-à-dire que je ne connais pas la musique, que je chante faux, que je crois que je n'entends pas très juste... Et que tout ceci dit, la musique me donne des joies extraordinaires. Alors comment m'accommoder moi-même de cela? J'ai le constant regret de ne pas avoir le courage de forcer, d'apprendre quand même peut-être la musique. Je ne sais pas si ça pourrait modifier mon oreille. Mais il me semble que j'entends bien. Enfin, j'entends quelque chose, puisqu'il m'est arrivé dans un de ces petits moments d'angoisse, ou en traversant une de ces petites angoisses pour être plus exact dans ma formulation, il m'est arrivé de prendre le 16e quatuor de Beethoven et puis de me dire, mais quoi, j'avais un souci tout à l'heure, de quoi s'agit-il? Donc, il est certain qu'elle a un effet sur moi, la musique. Mais je voudrais aussi avoir avec elle des relations plus connaisseuses, plus proches que finalement de m'en servir. La drogue. Ben, la drogue, c'est un mal dont on parle beaucoup, hein, je crois, mais je connais pas. Je connais pas, en fait, je pense qu'il faut. Quand on parle drogue, je me dis oui, il faudrait que ça s'arrête. La gloire. C'est un beau mot, non? Redites-le encore, il est tellement beau. La gloire. La gloire. Je crois que le mot suffit à montrer ce que c'est ça. Le mot évoque tout. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'explication à la gloire. Au liberté. Oh, Uberti, c'est le cœur de mon cœur. C'est le poète dramatique pour moi. C'est le poète. Et puis j'ai connu en plus Uberti. Non seulement je pense qu'il y aura trois grands dramaturges, trois grands poètes dramatiques. Pour moi, la dramaturgie, ce sont les poètes. Par conséquent, c'est un pléonasme que de vous dire trois grands poètes dramatiques pour le XXe siècle, mais je pense que ce seront Claudel, Uderzo et Genet. Donc, c'est vous dire déjà que je le situe alors comme un des grands poètes dramatiques actuels, un des trois. Mais c'est en plus une langue qui m'est très proche et des personnages qui me sont très proches. Quand j'ai joué la Larica du Malcourt, c'était vraiment une identification, c'est-à-dire que ce sont les violences, les refus, les innocences de ces créatures féminines sont pour moi des terrains tellement connus, tellement par ma sensibilité, par ce que je souhaite et veux du monde, que en plus j'ai la tendresse qu'on a pour son image dans le miroir quand elle est idéale, quand elle est ce qu'on voudrait être. Les héroïnes d'Audiberti sont les personnages tels que je me crois quelquefois et tels que je voudrais être le reste du temps, même dans leurs défauts. La bicyclette. La bicyclette, ça c'est une vieille connaissance. Je crois qu'on en parlait un petit peu d'ailleurs tout à l'heure de la bicyclette. Et c'est une très très très vieille connaissance parce que il m'est arrivé à une certaine époque de ma vie de faire 100 km de bicyclette par jour. Alors c'est comme vous voyez un rythme bien connu de moi. Et puis c'est une forme de la liberté parce que on est beaucoup plus libre que la voiture parce qu'on peut s'égarer dans des chemins, il n'y a pas les grandes routes, il y a la possibilité d'arrêter tout de suite. Alors que allez donc vous arrêter quand vous êtes dans une des quatre lignes parallèles de départ en vacances, tout à 140 à l'heure et pare-choc, même si brusquement vous avez envie de vous arrêter pour noter un mot, comme je disais tout à l'heure, ou simplement pour regarder le paysage, ça me paraît très difficile. Mais c'est quand même aussi une liberté plus forte que la marche. Je préfère la marche, mais c'est une liberté plus forte parce qu'on va plus vite, on voit plus. C'est vraiment une notion de liberté. Puis peut-être aussi parce que c'est chez moi lié à une certaine époque très précise où nous essayions de libérer la France. Donc ça évoque deux fois pour moi la liberté. Soleil. Je voudrais l'adorer, je voudrais faire partie de ces peuplades qui adorent le soleil. Pour moi, tout change. Tout change quand il y a le soleil. D'abord, pour moi, vous savez, ma philosophie de l'existence est très simple. Tout ce qui est bon est chaud, tout ce qui est froid est mauvais. Alors, c'est très simple. Donc, le soleil étant la chaleur, c'est déjà, vous voyez, très favorable pour le soleil. Et puis, il y a en plus qui ne me gêne même pas. Enfin, je peux fixer le soleil alors que j'ai les yeux clairs et facilement fatigué. Je fixe le soleil sans que ça me gêne. Je reste au soleil sans avoir jamais la moindre brûlure, le moindre ennui. J'arrive blanc, je ressors noir sans avoir senti les méfaits du soleil. C'est un complice, c'est un allié. C'est un allié, le soleil. Puis il me rend optimiste, bien entendu, mais ça, je ne suis pas la seule. Voilà, c'est comme je ne vais quand même pas vous dire que j'adore le soleil, parce que ce serait beaucoup, je vous dirais que c'est le plus sûr allié. Chamonix. Chamonix, c'est le Mont Blanc. C'est le Mont Blanc et j'ai une terrasse face au Mont Blanc. Alors voilà. Et puis, mais Chamonix, alors, ça m'évoque plus que ça, parce que ça m'évoque bien sûr la joie personnelle que j'en ai, puisque c'est la montagne où j'ai choisi d'avoir un coin. D'avoir un coin. C'est vraiment un coin, c'est vraiment une grotte, parce que je vais quand même vous avouer que je n'y vais pas. Certaines années, je n'y vais pas 3 jours. Or, il y a là-bas tout ce que j'aime, tout ce qui m'est cher, tout ce qui m'est précieux. Il y a les livres que je préfère, les livres qu'on appelle de chevet, ils sont à Chamonix, où je vais quelquefois 3 jours par an, eh bien, ils sont là-bas. Il y a, c'est mon tombeau des Égyptiens, Chamonix. C'est-à-dire que je m'y prépare une vie telle que les Égyptiens envisageaient la vie après leur mort. Il n'y manque rien. Tout ce qui est beau et bon à mes yeux s'y trouve. Même certaines toiles qui me manquent beaucoup ici, que j'aimais bien voir tous les jours, je ne les vois plus. Mais je les sais là-bas. Chamonix, quand on dit le mot de Chamonix, ça équivaut pour moi. Et puis, s'il m'embête, c'est un pluriel généreux, vous savez, on traverse de ces crises-là. S'il m'embête, je sais que je peux partir pour Chamonix. Shakespeare. C'est le théâtre. Shakespeare m'évoque le théâtre. Avant de m'évoquer plusieurs souvenirs, plusieurs... Mais... Il m'évoque le théâtre, il m'évoque... Ce sont mes évangiles, en plus. Je m'en suis aperçu dans les conversations avec des pères de l'Église qui, très souvent, vous citent une parole de l'Évangile. Eh bien, moi, je dis, mais mieux que ça ! Et je répondu un jour à un père de l'Église qui me citait, je ne sais quelle parole très frappante des Évangiles. Je lui ai dit, mais je dirais mieux, je citerai Shakespeare pour vous répondre. Vous voyez que ça a une grande place. Le doute. Ce que m'évoque le doute ? Le doute, le doute... Ce que m'évoque le mot « doute », bah sûrement que je doute souvent, mais ça ne m'évoque rien. Non, je doute comme tout le monde de beaucoup de choses, et puis... Mais le mot ne m'évoque rien. Ou alors présentement, je ne sais pas, mais... Non, non, je doute énormément, je passe mon temps à douter sûrement, mais le mot ne m'évoque rien. Les hippies. Oh, oui, ça me fait sourire, beaucoup de sympathie, je les trouve très très bien. Très très bien, je trouve le mouvement hippie merveilleux, et je trouve les hippies très très bien. C'est pas un jugement que vous me demandiez, évidemment, vous me demandiez ce que ça m'évoquait. Ben, ça m'évoque d'abord, parce que les évocations, c'est par les yeux. Donc ça m'évoque leurs cheveux bouclés, bien sûr, y compris les perruques même bouclées qu'ils se mettent. Ça m'évoque cette apparence, mais ça fait fondre beaucoup de sympathie en moi. La peinture. Le mot « la peinture » m'évoque toujours des peintres. La peinture, c'est pas... Autant la sculpture, je vous dis, c'est un bloc... Autant la peinture, ça m'évoque des peintres, ça m'évoque d'abord un Rouault que j'ai, qui est pour moi aussi beau que la tragédie grecque, et puis ça m'évoque selon les moments, selon les époques de ma vie, telle ou telle toile, ça bouge beaucoup, les goûts picturaux, les passions picturales. On m'avait par privilège laissé voir un Cézanne, qui était une des versions de la montagne 5 victoires, il faut vous dire que j'aime en plus beaucoup la Provence. Et c'était la quatrième, il y a 4 versions, et elle était libre, elle était à acheter, elle coûtait, je crois, 500 millions anciens. Ben voilà, alors là, l'argent, là, j'en aurais pas fait fi. Je me disais, qu'est-ce que je devenais Dostoïevskienne à la minute, je me disais, voyons, quelle vieille dame je pourrais tuer, voir tous les matins cette montagne Saint-Victor de Cézanne, puis elle est partie pour l'Amérique. Et très longtemps, quand on me disait peinture, je me disais, mon Dieu, qui tuer? Mais enfin, ça a été passager. La croix de guerre. Ce que m'évoque la croix de guerre? Alors, les anciens combattants, sans nul doute. C'est un grand honneur d'avoir la croix de guerre. Je suis très fier d'avoir la croix de guerre, mais c'est une chose, enfin, c'est un honneur, comme ça, je ne la porte même pas. C'est pas... Parce que l'esprit ancien combattant, vous savez, de même que je ne garde aucune de mes anciennes critiques. Je ne veux jamais un jour sortir un livre et dire « Regardez, quand je jouais telle pièce, lisez ce qu'on disait !» Ben, je pense que pour les mêmes raisons, le courage devant se renouveler chaque jour, je ne me viendrai pas à l'idée de porter une décoration qui me fut donnée sans doute pour une attitude courageuse. L'essentiel. L'essentiel, c'est l'essentiel. Mais qu'est-ce qui est l'essentiel? Ben, ça dépend des moments. L'essentiel, l'amour, toujours en permanence. La vérité. On revient sur les grands thèmes que j'ai déjà évoqués. L'essentiel... oui, mais l'essentiel de quoi? L'essentiel du bonheur, l'essentiel pour être heureux, l'essentiel pour... Dans votre vie, l'essentiel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'être d'accord avec ce que... Avec mon comportement, avec ce que je fais, avec ce que je dis. L'essentiel, oui, pour moi, c'est ça. C'est l'exactitude entre ce que je souhaite être, faire, et ce que j'arrive à être ou à faire. La mort. Je n'y pense pas. Oh, mais ça, alors ça, c'est vraiment les discussions interminables avec tant de gens. La mort ne m'évoque rien. Je sais. Mais vous savez que très... Alors, c'est une farce, mais très souvent, je dis « je dois être immortel ». Parce que je ne parviens pas, je sais que c'est un chemin inéluctable, je suis extrêmement sensible à l'univers de Beckett, par exemple, qui est un univers de mort, qui est un univers qui vous rappelle la mort sans arrêt, mais j'y suis sensible intellectuellement. Je trouve qu'il pense très bien là-dessus, qu'il écrit très bien là-dessus, mais je quitte les œuvres de Beckett tout en me croyant immortel. C'est-à-dire que la mort ne parvient pas à être une chose, et j'ai des amis si chers qui meurent, qui meurt. C'est-à-dire que la mort pour moi reste au fait épouvantable que je ne saurai plus jamais ce qu'ils pensent, que je ne peux pas leur téléphoner en leur disant qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous diriez de ça. Donc c'est une absence, si vous voulez, c'est l'absence d'autrui, la mort. Mais ma mort, je ne peux pas lui donner ni un temps, ni un visage, ni une réalité. Pour moi, si la mort, c'est la séparation de quelques êtres. Mais une séparation, même avec les amis les plus proches, il y a tant de temps de séparation forcée que c'est évidemment moins sensible que si on perd l'être avec qui on partage sa vie. Alors là, peut-être que, si à ce moment-là, vous me demandez ce que m'évoque la mort, ce sera le désespoir absolu, ce sera peut-être ma propre mort, peut-être qu'enfin je songerai à ma propre mort. Mais pour le moment, elle ne peut pas avoir de réalité pour moi. Dernier mot, Sylvia Monfort, Dieu. Dieu, eh bien, c'est le regret de ce Dieu le Père que j'appelle tout le temps et auquel je voudrais croire. Ce Dieu le Père qui me dirait les acquiescements ou les réprimandes que j'attends à toutes les minutes avec un reste d'enfance. C'était Sylvia Monfort, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 28 août 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.